Yo les amis. Hey Jay, est-ce que tu passes le cap? Est-ce que t'es prêt? Open is the path. Nous a montré toutes les photos de famille qu'il avait, et de son chien, et de sa fille, et de ses copains. La dernière fois qu'il nous a pris, il nous a fait le spectacle. Et combien? Thank you. webcam. Thank you. bouton. Ouais, on dirait que c'est le moment. On dirait que c'est le moment où je mets mon bouton. Attends, il faut que je fasse ça encore. Ça marche pas du tout, ça. Oula, c'est nul. Attends. Non, c'est super ce que vous faites. Vous, ce que vous faites, c'est super. Et là... Merci à toi, mais non, mais c'est toi le mec le plus fort, vas-y, t'en vas pas. Tu gères grave, kid. Je suis presque du gère. Mais je veux dire qu'il gère, je veux pas dire qu'il est du gère. Oh là là, c'est pas écrit. Ouais. Ah merde. Mais je comprends, moi aussi ma coloc elle est rentrée. Il est 22. Ah ouais, 22h00. Ah putain, t'es un bon gars. Tu gères grave. Et ben vivement la prochaine. Et ben on commence tôt. On s'arrête avant 22h, j'adore. Je vais continuer un petit peu quand même. Merci pour tout ce que... C'était sol majeur, mais on va changer. Alors on change. Bémol mineur. Ah non, c'est... Ouais, mais alors là, très humble, merci de toute mon humilité. C'est toi le mec, c'est toi le fort. Please, bass. Stay. I'm gonna step on you, but stay. Thank you. À mon avis, c'est ton voisin, il appelle la police. Et qui dit, y a un mec qui joue du piano à côté de chez moi. Ils vont pas trop se. Y'a pas de feu, tu vois, tu sais, j'en sais. Il dirait qu'il y a un mec qui est en train de faire un rodéo. En bas de chez moi, c'est le ghetto, tu dirais. Il y a un mec qui va faire ta veille. Il a pas choisi de se droguer. Thank you. Thank you. Come on, to you. going out. Don't go. I know your neighbor don't. Don't really care. If you're gonna call the call 911, you're gonna call 111, call someone that's like in music. You don't got to run no more if you're living in Bordeaux. I know my way of Aikido. Moi je suis président d'un club d'arts martiaux en Aikido. Et ton DTR, ton directeur technique, eh ben il est trop fort, il s'appelle Philippe Léon. Il faut que tu t'inscrives mon gars, mais du con, ouais, viens, on se foutra de la gueule sur la race, dans les tatamis. Il faut que tu t'inscrives et tu verras ta vie, elle sera changée ainsi. Lui il est tout petit, il fait même pas 1m50. Eh bien franchement, moi, je chercherais pas des noises un peu pour rien. Même pas un truc en hante, mais j'ai pas l'idée. Ni même sur sa tente, parce qu'il y a trop de respect en fait. Je peux pas dire un truc sur le maître. Le mec, il est Shihan. Ça veut dire qu'il a atteint le 6e Dan, mais plus encore, tu vois. Shihan, ça veut dire grand maître. Et donc, franchement, vas-y, c'était juste à côté de Bordeaux. Putain, gars, vas-y. On va faire de la musique encore, mais s'il faut, on se mettra à la race en Aikido, ce sera génial. On n'aura peur de rien. Rabé, did you get that? Rabé, did you get that? Oh, fear not. Fear not the light, 'cause you are the mighty, you are the mighty. Allez. Les autres se dissectent. Tu m'as bordé, me protéger. C'est le gars que tu dois aller voir. Le mec, il est trop fort. Il existe en vrai. Hein. Tu peux aller le voir, il fait 1m50. Et ben, tu lui piques pas, ça peut être. clairement. Mais oui, c'est le pire, c'est le bon endroit, c'est le bon endroit. À Bordeaux, il faut aller travailler avec Philippe Léon. Si t'es à Bordeaux, il faut aller travailler à... absolument, absolument. Regardez la vidéo, le mec, mais regarde, va le voir. Après, si jamais tu vas le voir, tu lui dis que tu me connais. Et pas quand il y a tout le monde, hein. Pas quand il y a 200 personnes autour. Hein. Yeah man, you're back. C'est vrai. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas halluciner. Franchement, sans déconner, c'est le truc le plus violent que j'ai jamais vu. Y a pas d'échauffement. Y a même pas d'échauffement. Il secoue trois fois la main, deux fois, une fois gentiment, et puis après, c'est vas-y, vas-y, rentre dedans. Franchement impressionnant, il donne ce qu'il a. Il a eu un cancer, tu vois. Il donne tout ce qu'il a. Mais si tu t'es devant, t'es mort pour ça. Il donne tout ce qu'il a. Et si tu le fâches, c'est vraiment pas. Ce sera la dernière fois qu'il... la voix de l'harmonie. Aïkido, harmonie, la voix. I burn. Oh non, c'est pas l'opposé. C'est de la danse aussi, tous les deux. Non, je rigole. Si jamais tu lui dis que c'est de la danse, franchement, c'est le seul mec où clairement c'est pas de la danse. Non, il y a Tissier à Paris. Il est fatigué. Et il y a lui, alors il est vieux, mais alors il est pas fatigué encore. Non, non, ça ressemble vraiment bien. En tout cas, il faut pas être devant quand ça tape. J'adore. Oprenit. Ouais, franchement, hésite pas. Franchement, chill. Mais après, en fait, mais oui, mais viens. Moi, j'ai un club à la maison. Moi, j'ai un dojo à la maison. Et chill, franchement, fais de l'aïkido. C'est trop de la bombe. Ça va changer ta vie. C'est trop bien. Mettre des baffes à des gens. Et puis aussi, je vais pas te mentir, prendre des baffes. Mais aussi mettre des baffes, je te jure, ça change la vie, tu vois, c'est pas mal. Open is the password, open. With a big O.